Vous écoutez France Culture. Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. Bonjour. Pour cette nouvelle année des lundis de l'histoire, en ce qui me concerne, nous sommes avec Abdelwahab Medeb et Benjamin Stora, qui sont les maîtres d'œuvre d'une monumentale histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, qui vient de paraître chez Albin Michel en 2013. Monumentale véritablement, par le projet, je cite, « La traversée de 14 siècles d'histoire commune ». C'est un livre très savant, c'est une somme de savoir et de recherche, et en même temps, c'est un beau livre, clair dans sa présentation, avec de très nombreuses illustrations, des cartes, qui en font un objet vivant. Un livre que l'on va mettre partout et qui va être à la consultation, je pense, dans toutes les bibliothèques. Un livre dans lequel on voyage. Une œuvre saluée par une critique unanime, car la sortie de ce livre est formidable, c'est déjà un best-seller, et une œuvre qui fera date par son ambition et, j'allais dire, aussi par son espérance. Vous êtes tous les deux, et je vous remercie d'être là, vous êtes tous les deux, Benjamin Stora et Abdelwahab Medeb, co-directeurs de ce travail, et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Abdelwahab Medeb, vous êtes professeur, écrivain, poète, journaliste. Vous avez beaucoup publié, par exemple, Paris de civilisation au seuil en 2009, La maladie de l'islam, déjà au seuil en 2002. Vous dirigez la revue Dédale et sur France Culture, vous produisez l'émission Culture d'Islam chaque vendredi. Benjamin Stora, vous êtes professeur à l'INALCO et à Paris 13. Vous êtes écrivain et vous êtes un spécialiste reconnu ô combien de l'histoire du Maghreb et notamment de l'Algérie et de la guerre d'Algérie, dont vous avez été véritablement un pionnier. Vous avez écrit de nombreux livres sur la guerre d'Algérie, les guerres coloniales. Je citerai « La mémoire et l'oubli »,« Mémoire de la guerre d'Algérie en 1991 »,« Algérie-Maroc, histoire parallèle en 2003 »,« Trois exils des Juifs d'Algérie en 2008 » et beaucoup d'autres livres. Alors, tous les deux, vous avez une culture commune et des racines différentes tout de même. Benjamin Stora, vous venez de Constantine, vous êtes juif de Constantine, et Abdelwahab Medeb, vous venez de Tunis et de la culture d'islam de Tunis. Alors comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que ce projet est né pour vous deux? Vous l'évoquez très très bien dans un texte qui ouvre le volume, qui s'appelle « Parallèle ». J'aimerais vous entendre l'un et l'autre un petit peu là-dessus. Voyons, Abdelwahab Medeb. Oui, en effet, le partage des racines, peut-être des racines différentes, mais plongées dans le même sol. Et je crois que c'est cela qui est à l'origine de notre rencontre pour ce projet. Alors la rencontre, il faut le rappeler, le projet est né dans l'esprit de l'éditeur. Et c'était une proposition d'éditeur, Jean Moutapa. Jean Moutapa a pensé l'idée, a pensé le livre, probablement dans l'idée de mettre en place une collection, puisqu'il est lui-même l'éditeur, et plus que l'éditeur, l'initiateur du projet L'histoire de l'islam en France, qui a été dirigé par feu notre collègue Mohamed Harkoun. J'ai bien connu Mohamed Harkoun. Oui. Et donc là, on peut dire que c'est le deuxième titre dans cette collection en émergence, en naissance. Et donc, lorsque Jean Moutapa m'avait proposé, en tous les cas personnellement, de le sujet et de le diriger et de le co-diriger avec Benjamin Stora, sans me rendre compte de l'immensité de la tâche, immédiatement, c'était un oui franc et massif, j'ai envie de dire. Ma réponse a été immédiate, d'autant plus que ça allait se faire avec Benjamin. Benjamin, que je connaissais très peu, on a dû se rencontrer vous connaissiez deux ou trois peu fois. Au point de départ. Oui, on ne se fréquentait pas, disons, même si, évidemment, je connaissais l'auteur, ses travaux. J'en appréciais l'œuvre. Oui. Et le fait que Benjamin, ce statut de dehors, dedans, par rapport à la judéité, à l'extranéité de la judéité, par rapport à la judéité à l'islam, par rapport à la judéité au sein de l'arabité, et moi-même m'estimant aussi un homme de l'entre-deux, un homme justement du dehors et du dedans, je me suis dit que ça ne pouvait que marcher, qu'il y avait donc là un jeu de miroir qu'on pouvait mener. La tâche par la suite a été évidemment très difficile, mais l'éditeur, l'équipe éditoriale a été absolument fantastique. Fantastique, vous allez m'en parler. Qui a fait un boulot fabuleux. Quoi. Oui, mais Benjamin Stora, vous venez d'ailleurs par rapport à Abdelwahab, mais malgré tout. Oui, enfin, on s'est rencontrés à l'occasion effectivement de ce projet éditorial qui avait été initié par Jean Moutapa et qui a été suivi étroitement par Anne-Sophie Joanneau qui a, pendant 5 années, puisque le travail a duré pratiquement 5 ans. 5 ans. 5 ans pour coordonner, organiser, hiérarchiser, lire, relire, corriger, entre guillemets. Près de 120 auteurs, ce qui est quand même considérable, et aussi être attentif au fait que ce livre sorte en même temps de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis à Princeton, puisque le livre est sorti exactement au même moment en France. Il est et aux déjà États-Unis. Sorti en le même version, jour. Le même jour. Il est sorti depuis 3 mois à Princeton, donc c'est aussi une grande première. Il a fallu suivre dans le même temps cette double parution. Alors, c'est un projet éditorial, mais que j'ai bien sûr accepté en devinant le pari, le défi insensé que représentait ce travail, parce que réunir 120 chercheurs sur un sujet très brûlant, on y reviendra bien sûr. On sait aujourd'hui que les relations entre juifs et musulmans sont des relations difficiles, mais en me référant aussi à mon propre itinéraire, et puis que Abdelwahab vient d'évoquer, c'est-à-dire ce statut très particulier d'un homme qui est à la fois enraciné dans une histoire et une tradition et une culture juive, mais qui en même temps pose un regard effectivement extérieur à cette histoire par mes travaux d'historien, par ma démarche politique, par aussi toute une série de questionnements qui ont été les miens dans les années 70-80 sur le monde arabe. Donc il y a là une sorte de connivence qui existe entre nous sur cette façon de se situer un peu à la frontière, à la lisière de ces deux mondes-là. Et puis aussi, il y a le fait que, on l'a déjà beaucoup dit, mais je crois qu'il faut le redire là, le fait que Abdelwahab et moi appartenons à la dernière génération de ceux qui ont vécu en terre d'islam, qui ont connu cette cohabitation possible entre juifs et musulmans, ce qui peut paraître aujourd'hui absolument incroyable, puisque beaucoup de juifs ont quitté les terres d'islam. Et pour les jeunes générations d'aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose d'absolument décisif que d'essayer de reprendre possession de cet héritage. Et le fait que nous ayons l'un et l'autre une expérience, une mémoire, un enracinement à travers la langue ou à travers les pratiques, disons, de tradition culturelle, eh bien, c'est aussi quelque part de renouer avec une histoire qui s'était perdue pour prouver aux jeunes générations que cette histoire existe vraiment. Oui, avant de repartir vers le livre qui est notre objet aujourd'hui, une question encore à vous deux. Vous êtes des enfants, vous vivez l'un à Tunis, l'autre à Constantine. L'un est musulman, culture musulmane, et l'autre juif. Vous, par exemple, Benjamin Stora, comment voyez-vous vos amis musulmans ? À l'époque, quand on était enfant. Quand vous étiez enfant. C'est très compliqué parce que ça, la situation n'est pas la même en Algérie et en Tunisie, parce qu'étant enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai grandi dans un pays qui était en guerre. Donc on grandissait quand même dans des situations d'angoisse, de peur et de séparation communautaire. Mais on voyait, bien sûr, et on baignait, et pour ce qui me concerne, le quartier qui était le mien, où je suis né, ce qu'on appelle le Charar, je suis né dans ce quartier. Eh bien, il est évident qu'on baignait dans une culture commune, mais sans s'en rendre compte forcément, puisque la langue était la même, la tradition culinaire était identique, la liturgie, bien sûr, au niveau des religieux. Constantine était une ville très religieuse. Et il y avait, bien sûr, cette sonorité identique dans les mosquées et les synagogues, mais nous vivions quand même dans des situations de séparation déjà à cette époque-là. Oui. Séparation parce qu'en Algérie, les Juifs étaient devenus français depuis 3 ou 4 générations, même s'ils partageaient dans l'espace public beaucoup de choses en commun avec les musulmans, notamment la musique de Constantine, le Maalouf constantinois. Néanmoins, il y avait cette inégalité juridique, cette séparation, disons juridique, très forte, beaucoup plus forte qu'en Tunisie, qui existait en Algérie, où la plupart des Juifs de ce pays regardaient davantage vers l'Occident et la France que vers l'histoire de l'Orient. On était là dans les années 50. Donc il y avait ce mixte à la fois de culture occidentale très forte et de préservation dans l'espace privé de ce qui s'apparentait effectivement à des traditions, traditions culinaires, traditions culturelles, traditions linguistiques. Donc l'espace privé, en fait, a été ce lieu très particulier de tentative de préservation de cette mémoire qui semblait quand même extrêmement fragile. Oui, et vous, Abdelwahab, quelle était votre expérience de ce point de vue-là ? Disons qu'elle était double. À l'intérieur du milieu familial, donc enfant dans les années 50, je venais d'un milieu très religieux, profondément religieux. Religieux et savant en religion, le milieu des oulémas de la Zitouna. La question juive était présente dans ce milieu rien que par le fait que j'avais un oncle qui était... l'amine, ce qu'on appelait l'amine, c'est-à-dire le chef de la corporation des orfèvres dans le souk de Tunis. Et dans le milieu des orfèvres, il y avait nombre d'artisans juifs. Oh. Et donc, par lui... il était très étonnant, ce personnage. C'était un homme qui animait les séances familiales, les repas de famille. Et sa présence était très forte. Et de temps en temps, il se mettait à parler dans une langue qu'on ne comprenait pas. C'était probablement des bribes d'hébreu. Comme c'était un homme facétieux, il voulait impressionner en parlant dans une langue que nous ne connaissions pas et qui était l'hébreu à table, dans la famille même. Et la deuxième rencontre juive pour moi, elle est, disons, post-indépendance, dans cette euphorie après 1955, l'autonomie interne, 1956, l'indépendance, le projet bourguibien qui était un projet moderniste, la constitution qui est en train de s'écrire, où il y avait l'idée de la citoyenneté, de l'égalité citoyenne et le test de l'intégration des Juifs dans cette égalité citoyenne. Et la présence des Juifs dans la cité me fascinait énormément parce qu'il y avait une modernité occidentale assumé par des autochtones. Et pour moi, c'était un modèle, c'était une fascination. C'est ce que, enfant, exactement ce que je souhaitais, ce que je voulais. S'ajoute à cela la présence de mes professeurs au collège et au lycée. Beaucoup parmi eux étaient juifs, professeurs de géographie, d'histoire, de français, de mathématiques. Tout ça était et des juifs tunisiens et qui s'assumaient en tant que tels à l'époque. Tous ces éléments signalaient une présence juive fort. Tunis restait encore une ville juive. Et la méditerranéité et la modernité de Tunis étaient assumées par ce peuplement. L'ancienne avenue Jules Ferry, qui est devenue l'avenue Bourguiba, après l'indépendance, les terrasses, les cafés, la gastronomie. Vous savez, en plus, le ciné-club, c'était extraordinaire. La présence des Juifs dans le ciné-club de Tunis, on était cinéphiles, tout le classicisme du cinéma passait par là. Et les débats au sein du ciné-club étaient extraordinaires. On recevait, à la fin des années 50, ce qui nous venait de la nouvelle vague française, Godard, Truffaut, avec des débats sur les films, très philosophique, très sémiologique déjà. On était à Tunis totalement en écho et en phase avec Paris. Oui. Et c'était les voix juives qui animaient cette parisianité de Tunis. Oui, alors une dernière question avant de passer au livre qui s'adresse à vous deux. D'ailleurs, dans tout ce que vous venez de dire, on voit qu'il y a contact véritablement très fort. Mais aussi, vous avez une culture française aussi. L'un et l'autre, vous parlez français. À quel moment est-ce que l'un et l'autre, vous avez pris conscience davantage de vos racines juives, de vos racines arabes, musulmanes ? Qu'est-ce que ça a voulu dire, Benjamin Stora ? C'est-à-dire que cette prise de conscience, elle est à la fois, j'allais presque dire, en situation de continuité historique, puisque malgré le départ d'Algérie en 62, il y a quand même la persistance de la langue, dans l'espace privé toujours, et pas dans l'espace public, parce que lorsqu'on arrive en France, c'est une autre discussion, des processus d'assimilation culturelle à l'œuvre très puissants, qui fait que l'utilisation de la langue arabe se rétrécit exclusivement dans l'espace privé, beaucoup moins dans l'espace public. Mais cette prise de conscience, en fait, sur le plan de l'appartenance, de la généalogie, de la filiation, elle intervient, pour moi et pour ce qui me concerne, essentiellement par le biais d'une découverte personnelle assez récente, qui est le rapport à mon fils, dans la mesure où je m'apercevais progressivement, lorsqu'il grandissait, tout au long des années 90, de cette perte mémorielle de l'appartenance à l'Orient et des questions que lui me posait, puisqu'il appartient à une nouvelle génération, de ceux qui veulent retrouver un fil d'Orient disparu. C'est-à-dire qu'il y avait chez moi cette angoisse de la perte d'un monde, d'une histoire et d'un univers, et chez lui la volonté, de garder, de retrouver, d'être dans cette généalogie. Donc je l'ai amené avec moi dans la ville dont est originaire mes parents, mes grands-parents, la ville de Khenchla, dans les Aurès, puisque c'est le berceau de ma famille paternelle. Et j'ai vu toute son émotion, mais en fait, c'était surtout la mienne d'émotion par rapport à ce que lui ressentait. Et là, je me suis dit, quand je suis retourné dans les Aurès avec lui, je me suis dit, là, il faudrait peut-être que j'écrive maintenant sur les Juifs d'Algérie, parce qu'il y a un problème de transmission, il y a aussi une angoisse de la perte. Voilà, problème de transmission. Et donc, c'est cette question qui m'a poussé à aller davantage vers cette part d'Orient qui était en moi, bien sûr, mais que je n'avais pas encore formalisé sur le plan académique, scientifique, universitaire. Et là, j'ai commencé à rédiger un livre qui s'appelle « Les Trois Exils ». Abdelwahab, brièvement aussi, vos racines musulmanes, arabes, quand est-ce que vous en avez pris conscience ? Oui, à Tunis, pas du tout, parce que c'était un donné. La question ne se posait même pas. Mais la question que se posait pour moi, c'est plutôt celle de la sortie. C'était plutôt celle de l'assimilation, de l'apprentissage de la langue française que j'ignorais avant l'âge de 6 ans, puisque dans ma famille, on était stricto sensu arabisant, savant en arabe, mais la langue française était inexistante. C'est seulement ma génération, c'est-à-dire des cousins qui ont 10 ans de plus que moi, qui ont été à l'école franco-arabe et qui exerçaient le français. Donc pour moi, le challenge, c'était apprendre le français. Oui. Et après, la fascination, la fascination de la culture française. Oui. Et quand je suis arrivé en France en 1967, mon idée, c'était d'approfondir cette francité, cette francophonie, et c'était ça qui me fascinait. Je voulais être l'homme de mon temps, la fin des années 50, début des années 60, comme en France. Notre débat à Tunis était Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, c'était véritablement cela, les références. Mais en même temps, je disposais d'une culture classique arabe et islamique très importante et très forte, qui venait du milieu culturel. Ma conscience de la nécessité de tenir compte de cette part arabe, orientale et islamique, figurez-vous qu'elle a eu lieu suite à un événement très très simple. Je venais de finir ma maîtrise en histoire de l'art après des études en France, en Sorbonne, en 1970, après des études de lettres modernes. Je suis entré à la fac en 1964, donc après 6 années de fac. Mon premier métier a été d'être rédacteur dans le Robert historique, lorsque Alain Rey a décidé de faire un Robert encyclopédique, le Robert des noms propres, à côté donc de l'ouvrage lexical et du succès qu'il a eu. Et je pensais faire des entrées, parce que c'est dans le milieu de l'Institut d'Histoire de l'Art et d'Archéologie que la proposition m'a été faite. Des condisciples ont été engagés dans l'équipe d'Alain Rey. Et en parlant avec Alain Rey, le premier rendez-vous, et il me dit, en fait, qu'est-ce que vous savez de l'islam ? Alors, je lui ai dit mon milieu musulman et la formation que j'avais. Mais il m'a dit, je voudrais que vous vous occupiez d'islam, parce que je veux élargir à l'extrême vers les autres cultures, vers l'Inde, vers la la Chine, vers l'islam surtout, c'est très important, ça appartient à notre histoire. Il y aura beaucoup plus d'entrées. J'ai besoin d'un rédacteur là-dessus. Je lui dis, mais enfin, je ne suis pas compétent. Il m'a dit, au vu de ce que vous me dites, de la formation que vous avez eue au sein de votre famille, vous savez mieux que n'importe quel orientaliste. Autrement et ça a dit, été le cas. Voilà. Donc j'ai retrouvé une là, demande. Et à partir de là, j'ai forgé ce que j'ai appelé ma démarche qui va être celle d'une vie à la fois culturelle, littéraire, poétique, celle de mon enseignement. Lorsque je suis comparatiste et en enseignant la littérature comparée, j'ai mené tout un travail Europe-Islam. C'était donc d'assurer ce que j'appelle ma double généalogie et de retrouver donc les grands moments de la référence islamique. Et la tâche a été pour moi de désenclaver cette référence et d'essayer de la faire parvenir au sens commun. Alors, on voit très bien, à travers tout ce que vous dites tous les deux, comment vos itinéraires personnels rendent, je ne dirais pas, vous conduisent vers ce livre. Ça serait un peu, peut-être exagéré, mais il y a une logique. Il y a des logiques de confluence que l'on voit très bien. Alors, le livre est impressionnant, véritablement. Il est formidable. Vous avez 120 auteurs et on peut dire certainement qu'il rend compte des recherches considérables qui se sont faits depuis peut-être plusieurs décennies sur ces sujets. Il n'est pas possible de rendre compte naturellement de tout le détail. Quelques questions très simples. Quels ont été les centres de recherche qui ont été les plus importants pour confectionner cet ouvrage en quelque sorte? Et mon autre question sera, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Alors bon, les centres de recherche par exemple, qu'est-ce qui était le plus vivant? Est-ce que c'est Tel Aviv? Est-ce que c'est Bagdad? Est-ce que c'est les États-Unis? Enfin, je ne sais pas. À vous de répondre. Et pour être très honnête, il faut dire que la plupart des recherches qui se mènent actuellement sur ces histoires se mènent principalement en Europe ou aux États-Unis. Et ça démarre maintenant dans le monde arabe et dans le monde musulman. D'ailleurs, peut-être que ce livre sera l'occasion d'un redémarrage extrêmement important. Vous le souhaitez beaucoup. Mais la plupart des chercheurs sont situés, quelle que soit leur origine, religieuse ou culturelle, principalement en Europe et aux États-Unis, même s'il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui sont et qui vivent toujours, bien sûr, dans le monde arabe et musulman. Alors, les grands centres de recherche sont en France, bien sûr. On a parlé tout à l'heure de Mohamed Harkoun, bon, qui a été un homme très important dans ce monde, dans cette recherche, dans ces domaines. Il y a aussi, bien sûr, Mark Cohen à Princeton, qui joue un grand rôle dans ce livre, puisqu'il a écrit un article très, très important. Gilles Weinstein, qui est décédé, malheureusement. Auquel vous rendez hommage voilà, à plusieurs reprises, oui. Il a eu un rôle éminent. Qui a un rôle très important dans la construction, la fabrication de ce livre, notamment pour ce qui concerne l'Empire ottoman, qui est une pièce maîtresse de cette histoire. Ça me paraît quelque chose d'important. Et puis, pour ce qui concerne aussi les lieux, on peut dire que dans le monde arabe et musulman aujourd'hui, le foyer qui, à mon sens, est le plus actif, se situe au Maroc. Principalement plutôt, la recherche marocaine, oui. Avec notamment aussi, un peu Tunis. Je vois qu'Abdelham, naturellement, c'est normal. Des fois, il y a pratiquement rien, disons, en Algérie. Bon, ce sera clair. Il y a des choses qui existent aujourd'hui en Égypte, mais le Maroc quand même a une vitalité très dynamique. Avec Mohamed Kenbib en particulier qui a joué un grand rôle. En Tunisie, il y a Habib Kazdarli qui a joué un très grand rôle aussi et qui a été en but, comme on le sait, à des attaques venant d'intégristes ces dernières années, donc il a joué un grand rôle. Mais c'est au Maroc où il y a quand même un grand nombre de chercheurs qui ont déjà commencé à travailler. Alors, sur les archives, il y a, de manière très récente, il y a les archives de la mission laïque, les archives de l'Alliance israélite universelle, les archives des centres communautaires juifs. Je pense en particulier à la grande thèse de Valérie Hassan sur les consistoires juifs en Afrique du Nord. Donc ça, ce sont des archives récentes. Mais n'oublions pas les archives en langue arabe aussi, oui. qui sont très, très importantes. Les archives aussi des intellectuels arabes francophones. Je pense en particulier aux grands travaux, les livres importants de Malek Ben Nabi, par exemple, pour ce qui concerne l'Algérie, qui sont des intellectuels malheureusement trop peu connus en Occident. Que votre livre va faire connaître. Qu'on essaye effectivement de faire reconnaître. Ou même les intellectuels, bien sûr, juifs, passeur très important par rapport à l'islam. On pense en particulier à Albert Memmi, bien sûr, à André Chouraki, bien évidemment, qui a joué aussi un très grand rôle et qui a disparu, et dont on rend hommage aussi dans cet ouvrage. Donc il y a quand même des précurseurs, des personnages. Et puis tout l'orientalisme, l'islamologie juive, qui est très importante depuis Geiger au début du XIXe siècle. Oui, tout à fait. Ce courant orientaliste qui a été précurseur et sur lequel, bien sûr, la plupart des chercheurs qui sont dans cet ouvrage se sont appuyés. Donc il y a quand même, mais l'originalité de l'ouvrage, je pense à Lucette Valinci, mais l'originalité de cet ouvrage, c'est la mise en relation, la mise en rapport entre deux grandes histoires, parce que il existe une histoire de l'islam, il existe une histoire du judaïsme, bien entendu, Encyclopédia Judaïca, par exemple, etc. La grande originalité du livre, c'est de faire mettre en rapport, en relation, des historiens qui, malheureusement, ne travaillaient pas souvent ensemble. Et là, je terminerai en disant simplement que deux historiens ont travaillé sur une thématique extrêmement brûlante, avec des points de vue qui n'étaient pas forcément identiques, mais qui se rejoignaient parfois. Elias Sambar et Denis Charbit. Elias Sambar, qui est, comme on le sait, pour la partie contemporaine, pour la partie très contemporaine, qui est la partie compliquée. Et je trouve qu'on s'en est sortis de manière admirable. Elias Sambar et Denis Charbit, qui ont travaillé ensemble, ce qui est une première, puisque ça n'a jamais existé, ce qui prouve quand même que par le savoir, par la circulation des connaissances, eh bien, on peut quand même arriver à adopter des points de vue critiques et scientifiques sur cette histoire très brûlante. Tout à fait. Alors, je reviens au livre. Il est très savant. On trouvera toutes les informations que l'on peut souhaiter. Et en même temps, il est très agréable à lire. On peut voyager dedans, on peut le consulter, on peut le lire de manière continue. C'est très bien. Et puis, la typographie est belle. Il faut dire que la présentation est belle. Il y a des introductions en caractère gras qui résument les propos, puis des développements. Et puis il y a des nota bene et des contrepoints en lettres plus fines qui précisent tel ou tel point. Par exemple, la synagogue, mettons, ou la mosquée. On compare les deux espaces, des figures aussi, aussi bien médiévales que contemporaines. Il y a des très belles illustrations, magnifiques, et des cartes, autant qu'on veut, pour bien situer les choses. Donc, un bel objet. Un objet à avoir, hein, véritablement, et qui déjà est partout, puisque déjà tiré à plus de 10 000 exemplaires, ce qui est vraiment absolument remarquable pour un livre de cette nature et de cette qualité, de cette importance. Alors maintenant, le plan. Le plan du livre, il y a 4 parties dans le livre. Il y a 3 parties chronologiques qui racontent l'histoire des relations, car il est bien clair que le sujet ici, c'est les relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Et puis une 4e partie très importante qui s'appelle transversalité et qui essaie de reprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de commun malgré la séparation entre les juifs et les musulmans. Voilà, c'est vertigineux, impossible de rentrer dans le détail. Jetons tout de même un coup d'œil, si l'on peut dire, sur les 3 premières parties chronologiques qui constituent véritablement l'histoire. Une question à vous deux. Il y a une matrice. La matrice, au départ, au fond, c'est quand même la judéité, la Bible. Et puis, dans le monde arabe, quelque chose qui se lève. Et dans le monde arabe où commence, au fond, l'histoire des relations, parce qu'il faut être deux pour qu'il y ait des relations, il y a des juifs. Et il y a des juifs qui sont aussi moitié arabes. Le point de départ est vertigineux, vous m'en direz quelque chose. Et puis après, il y a une coexistence très longue, il y a un Moyen-Âge qui ne se passe pas si mal que ça. Peut-être que nous l'idéalisons, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a un mythe de l'âge d'or? En particulier, est-ce qu'il y a un mythe de l'âge d'or andalou? Bon. Et puis alors après la séparation, mais on viendra à la séparation après. Alors sur ces questions, Abdel Wahab. Je voudrais d'abord revenir un peu en arrière, si vous permettez, sur la participation arabe à ce projet, parce que ça a été un de mes soucis, en tous les cas personnels, parce qu'il fallait un tant soit peu rééquilibrer, même si on n'est pas à l'UNESCO, évidemment, ni à l'ONU. La question n'était pas là, puisque le critère premier était la compétence et l'éthique académique. C'est ces critères-là qui comptaient le plus. Mais quand même, il fallait veiller à cela. Et les Arabes qui ont participé à ce projet, et les musulmans, il n'y avait pas seulement que des Arabes, Turcs et Iraniens aussi étaient présents. Nombre d'entre eux font partie de la diaspora arabes et musulmanes scientifiques qui donc exercent dans des institutions européennes et américaines, mais aussi, Benjamin l'a rappelé, nombre d'académiques qui viennent notamment du Maroc, de Tunisie, mais surtout d'Égypte. Et ce qui est important à rappeler, c'est que les textes que nous avons reçus étaient polyglottes, ils venaient de multiples langues, et une des langues d'origine des textes était la langue arabe. Et nous avons donc traduit un certain nombre, 6 ou 7 textes, qui étaient écrits en langue arabe, particulièrement par des professeurs et des chercheurs égyptiens ou du Moyen-Orient, parce qu'aussi il y avait un texte palestinien que nous avons, d'un professeur de Bir Zeit que nous avons reçu en langue arabe. Ça me paraît important à rappeler. Une des langues originelles, à côté de l'hébreu, à côté de l'anglais, à côté de l'espagnol, à côté de l'allemand, du français, qui était évidemment important, l'anglais, le français étant majoritaire, l'arabe. Politiquement aussi, c'est important de rappeler que des Arabes et des musulmans ont participé à ce projet. Alors, pour ce qui concerne la question que vous avez directement posée, cette matrice commune, évidemment, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et elle est à la fois alors, le problème du premier contact juif et de cet islam émergent, il est à la fois politique et religieux. Vous avez bien dit des juifs arabes, en effet, parce que anthropologiquement, les tribus juives étaient dans la logique de la tribalité telle qu'elle existait en Arabie. Ce qui fait que lorsque le prophète de l'islam, migrant de la Mecque vers Médine, il a été appelé à Médine pour être l'arbitre des conflits locaux. La première déclaration importante qu'on appelle Sahifat Medina en arabe, c'est-à-dire la feuille de Médine, et qu'on traduit souvent d'une manière un peu anachronique, mais quand même, quelque part, il y a un esprit constitutionnel, la constitution de Médine, c'est ainsi que les orientalistes l'appellent. Élément essentiel et important, la notion de Omma, c'est-à-dire de communauté en arabe, qui très souvent, lorsqu'on entend le mot « Omma », on pense à la communauté religieuse, même s'il est très difficile, pour ce qui concerne l'islam, de distinguer le politique du religieux. Mais cette première notion, dans ce premier document de l'an 1 de l'Égypte, est utilisée au sens politique, puisqu'il est dit que les tribus juives appartenaient à la « Omma » de Médine. C'est très important. Et que chacun avait l'exercice de sa religion. Et ça, c'est très important de rappeler ce premier usage strictement politique de la notion de Omma, qu'on va retrouver dans la modernité, parce que lorsque Bourguiba voulait créer et enraciner l'idée dans la conscience des Tunisiens de l'État-nation, c'est le mot Omma aussi qu'il va utiliser, dans le sens d'État-nation. Donc la Omma tunisienne, qui n'a rien à voir avec la Omma au sens musulman. Il faut rappeler que cet usage moderne a déjà une existence des Médines. La question religieuse est différente. L'islam, au début, est allé vers le judaïsme. Il ne faut pas oublier que la première Qibla était Jérusalem, c'est-à-dire la direction de la prière. Il y a une sanctification première de Jérusalem, que par la suite, le premier jeûne se faisait dans le cadre du calendrier liturgique juif, à Yom Kippour. Et puis, face à la résistance et au refus juif, il fallait donc se distinguer. Et donc la distinction s'est faite par l'arabisation, si l'on veut, d'Abraham et par le retour, ce coup de génie de Mohammed, le retour à la filiation ismaélienne. Cette filiation ismaélienne qui va être très importante et qui n'était pas tellement présente dans l'esprit des gens à l'époque. Ce qu'il faut rappeler aussi, et là les historiens le rappellent de plus en plus, c'est que l'islam est une religion de convertis. Ça, c'est très important. L'islam est une religion convertie, oui, bien sûr. Oui, ça, c'est très important. Beaucoup de premiers musulmans étaient des convertis du manichéisme, des christianismes, parce qu'il y avait plusieurs christianismes à l'époque, et du judaïsme, bien évidemment. Sûr. Plusieurs personnages saints de l'islam sont des ex-juifs, des juifs convertis, dont le fameux Ka'b qui a le statut très saint dans l'histoire islamique de compagnon du prophète, de sahab. Et donc, il y a eu le rôle des convertis pour la construction de la tradition islamique. Oui. Maintenant, l'approche qu'on a, que les historiens ont, par exemple, du Coran, le Coran se révèle être un texte immensément sophistiqué, et dans sa construction et dans sa matière, et on découvre qu'en fait, actuellement, on l'approche comme un texte qui appartient à la culture tardo-antique. et que donc il y a lieu de l'approcher non pas comme quelque chose d'extérieur à notre culture d'une manière générale et à la culture méditerranéenne, mais comme quelque chose qui appartient à ce temps donc tardo-antique. Donc beaucoup d'éléments bibliques, beaucoup d'éléments christiques, beaucoup d'éléments juifs, avec en même temps la volonté par l'usage du discours et du contre-discours de proposer un discours propre, un discours spécifique par rapport aux multiples discours reçus des uns et des autres et qui sont réfutés. Donc c'est quelque chose qui s'est fait à partir d'une mémoire de laquelle participent les Juifs, de laquelle participent les chrétiens, mais pas seulement, et les chrétiens pas seulement de Syrie et de l'espace syro-palestinien et de l'espace byzantin, mais aussi éthiopien. Le christianisme africain a été très important dans la formation de l'islam. Donc, ce qu'on intègre, ce qu'on refuse par rapport à cette mémoire. Donc, il y a eu tout un processus de distinction pour créer l'identité musulmane. Et c'est là, donc, où il y a eu Benjamin des Stora, conflits dès le départ. Par rapport à la question que je posais, par exemple, sur l'âge d'or médiéval ou andalou, avec peut-être les mythes que nous avons derrière, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Bah, très rapidement, parce que le temps passe vite, il y a un très bel article de Marc Cohen à l'intérieur de cet ouvrage qui revient magnifiquement sur les mythes et contre-mythes. Il y a une réalité objective qui est celle d'un vivre ensemble incontestable dans cette Andalousie, mais il y a une temporalité qui fait qu'en rapport avec la gouvernance, en rapport avec celui qui est au pouvoir à cette époque-là, pour aller vite et de manière schématique, eh bien, il y a à la fois des choses qui sont bien et puis des choses qui relèvent des massacres, des oppositions, etc. Avec au centre la grande question, comme il faut aller très vite, la grande question du statut juridique des juifs en terre d'islam, qui est le statut du dhimmi, donc de la dhimmitude, qui à la fois est un statut de protection des minorités, à la différence de ce qui se passe dans l'univers chrétien, mais aussi, disons, un statut de soumission. C'est-à-dire les deux aspects qui cohabitent, qui vont naturellement être partie prenante de la vie quotidienne des gens du livre, pas simplement des juifs, mais aussi des chrétiens en terre d'islam. Et on a par conséquent en Andalousie ce vivre ensemble qui va se traduire tout simplement par le fait que lorsqu'il va exister la Reconquista, eh bien, juifs et musulmans partiront ensemble de cette Andalousie pour aller vers l'Empire ottoman ou vers l'Afrique du Nord. Où ils sont très bien, les juifs sont très bien accueillis. Où ils seront accueillis à cette époque-là. Alors, bien sûr, il y a des séquences, des moments où il y a des massacres, bon, qu'il faut, bien sûr... Des conversions forcées. Des conversions forcées en 1066. Oui. Bon, il y a des massacres importants, en particulier sous la poussée de courants, disons, politiques intégristes, comme les Almohades, etc. Mais c'est quand même, sur plusieurs siècles, un vivre ensemble, que ensuite, juifs et musulmans chanteront à travers la musique, la terre perdue. Je dis cela parce que ça renvoie à un souvenir plus personnel, qui renvoie à un souvenir d'enfance. C'est que la plupart des concerts qui étaient donnés par les musiciens juifs de Constantine, comme par exemple Raymond Léris, portaient essentiellement sur le souvenir de la terre perdue. C'est-à-dire qu'il y avait cette mélancolie, cette nostalgie de cette époque disparue. Et ce n'est pas quelque chose de fantasmé, c'est ce que j'ai entendu de mes oreilles étant enfant, donc c'est quelque chose de réel, le fait de chanter, de se rappeler, de se remémorer ce qu'avait été cette vie antérieure, qui s'est transmise à travers la musique notamment. Benjamin Stora. Cette histoire, oui, comme on le sait, s'est effondrée. Oui. Donc à partir de 1492, une autre histoire a commencé dans l'Empire ottoman, qui est encore un autre grand morceau essentiel de l'histoire. Vous y consacrez d'ailleurs beaucoup de place. Et une des questions que je me pose, c'est que progressivement, on voit malgré tout le monde juif devenir un monde protégé. On a l'impression qu'il perd le pouvoir et la question de l'État se pose. Quand on vous lit, on comprend qu'à un moment donné, les Juifs se soient posé la question de l'État. Parce qu'on a le sentiment que c'est la construction des États qui a réduit un peu leur place et en les faisant protéger. Je ne sais pas si c'est une question très intéressante, hein, parce que cette notion d'appartenance à un État va exister, à mon avis, à partir essentiellement du 19e siècle, de la fin du 18e, début du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a... Bien avant. Parce que c'est le problème de l'attraction du modèle occidental européen, né dans la foulée de la Révolution française, avec naturellement l'égalité citoyenne. Et il y a un regard qui se porte vers l'Occident, sans attendre qu'à l'intérieur de l'Orient, cette égalité soit réellement mise en œuvre. Et donc on a par conséquent cette sensation qui existe en Terre d'Orient d'un retard, c'est une sensation qu'éprouvent les communautés juives, qui est la nécessité de se déterminer par rapport aux idéologies européennes. Et la question de l'État que vous soulevez, la question de l'État-nation, et c'est une question très européenne dans le fond, qui arrive d'Europe, à la fois portée par le marxisme, le socialisme, mais aussi portée par le nationalisme européen, tout simplement, la construction des États-nations en Europe, et qui va traverser les communautés juives progressivement, et dont on sait qu'il va s'incarner à travers une idéologie qui vient d'Europe, qui est le sionisme, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire le rapport à la construction d'un État qui appartienne en propre à l'histoire des communautés juives. C'est cette dimension là, disons qu'elle n'était pas encore perceptible avant, à mon sens. Il y avait, disons, une sorte de circularité, d'absence de frontières, d'appartenance à une sorte de oumma, en fait, sur le plan culturel. Mais lorsque les États-nations vont commencer à exister avec leurs frontières, avec leurs élites politiques ou autres, eh bien, effectivement, les communautés juives vont se poser cette question. De même que les Arabes vont se poser cette question, et les musulmans au sens large. C'est-à-dire que la question de l'État, elle ne se pose pas simplement chez les Juifs, elle se pose chez les Arabes. C'est-à-dire le problème de la construction des États-nations, la construction d'un nationalisme arabe, et de sortir, disons, d'une histoire qui est une histoire qui déjà appartient au passé, qui est l'histoire transnationale, pour aller vers une histoire qui est beaucoup plus la sienne, c'est-à-dire une histoire proprement nationale. Donc cette question du rapport à l'État traverse les deux communautés, pas simplement une seule communauté, mais les deux Arabes, communautés. Les Arabes et les Juifs. Oui. Les empires, les nations, les frontières, les distinctions, on entre évidemment dans l'ère politique de la modernité, qu'on peut déplorer ou pas, mais qui existe. Abdelwahab, oui, le dépassement de l'Empire vers la volonté de créer des États-nations. Il y a des États-nations, c'est-à-dire des situations territoriales où les attributs de l'État-nation sont déjà là, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Égypte, ce sont peut-être les trois lieux. Mais je voudrais revenir à ce qui serait l'archéologie de ce que vient de dire Benjamin, c'est-à-dire un texte médiéval, le fameux livre du Kuzari, écrit par Yehuda Halevi, et c'est très important de rappeler que c'est écrit en arabe, et de rappeler aussi qu'il y a eu une très grande culture juive écrite en langue arabe, et selon les critères de la culture arabe c'est le cas de l'époque, Maïmonide, bien entendu. Ça c'est majeur, oui. Mais le livre de Kuzari, pourquoi ? Parce que déjà il y a l'idée d'un pouvoir juif, pas l'État au sens moderne, mais d'un pouvoir juif, puisque le livre de Kuzari, c'est une espèce de mise en fiction de cette information qui est parvenue aux Andalous dès le Xe siècle par l'ambassade byzantine de l'existence d'un royaume juif, le fameux royaume des Khazars. Et à partir de là, Yehuda Halevi a construit donc une fiction pour justement montrer, c'est-à-dire toute l'œuvre de Yehuda Halevi qui a été écrite pour partie en arabe, puisque nous avons un écrivain bilingue, il écrivait indifféremment en hébreu et en arabe. Nous sommes donc au cœur du XIIe siècle, la fin de la seconde moitié du XIIe siècle, et toute son œuvre est une espèce de mélancolie profonde sur le dessaisissement des Juifs de l'État, c'est-à-dire une espèce de mélancolie telle que incarnée par la fameuse statue de la synagogue de Strasbourg, c'est-à-dire la synagogue avec la lance brisée. Ne pas disposer donc de l'État et ne pas disposer de la force armée, et comment le fils de la servante est devenu le patron de celui qui était censé être élu. Et il y a un désir de Sion tellement fort dans ce texte du XIIe siècle, d'un auteur donc arabo-hébraïque. C'est très important de le rappeler, c'est un texte qui devrait être lu, je veux dire, par les Arabes pour réfléchir sur ce traumatisme justement du dessaisissement de l'État, de cette espèce donc de situation de minoration par rapport au conflit entre les trois monothéismes tel qu'il a pu s'exercer à travers l'histoire, où il y avait une égalité dans le conflit entre chrétiens et musulmans, puisque les uns et les autres disposaient de forces armées, d'un bras armé et du sceptre, disons, et de la lance, du sceptre et de l'épée, et ce de quoi étaient dessaisis les juifs. C'était déjà donc un topos de méditation et d'écriture en plein Moyen-Âge. Oui. Alors, votre livre montre très bien, à partir du 18e, 19e siècle, évidemment 20e siècle, le processus de séparation, hein, au point que vous dites l'un et l'autre que les Juifs, maintenant, sont, au fond, dans une petite partie de l'Europe, en Israël, aux États-Unis, mais très rétrécis par rapport à ça. Et c'est vous, je crois, Abdelwahab Bedeb, qui dites à un moment donné que le juif, au fond, va devenir quelque chose de presque imaginaire. Dans le monde musulman. Dans le monde musulman. Après, oui. Suite à l'absence du juif réel. Voilà. Oui, oui. Le juif réel disparaît et c'est le juif imaginaire qui prend la place, et on sait ce que ça veut dire. Et c'est à partir de là que se trouve un site prédisposé à accueillir l'idéologie antisémite telle qu'elle a été construite en Occident, et particulièrement l'effet considérable de la diffusion, par exemple, du protocole de Sion dans sa traduction arabe, puisqu'on le trouve un peu partout, je vais dire, dans ces librairies très populaires, c'est-à-dire qui envahissent, dans l'étal se trouve à même le macadam sur les trottoirs, du Caire à Tunis à Rabat. Donc cela prédispose, et c'est ce que je veux dire. Pourquoi l'enjeu de ce livre est majeur, c'est rappeler cette histoire immensément dense face à l'amnésie actuelle. J'aime toujours à utiliser pour ce livre un terme de psychanalyse, c'est un livre d'anamnèse, destiné donc à lever l'oubli, destiné donc à passer, je dirais, cette volonté de construire, je continue à être dans la métaphore psychanalytique, de construire par les matériaux les plus réels, par le réel, le premier souvenir, se débarrasser du fantasme pour retrouver le réel dans la construction du premier souvenir. Ce livre a cet enjeu-là, et je crois que c'est très important. Pourquoi ? Parce que ce retour du passé, cette excavation du passé, d'un passé enseveli, est destinée à éclairer un avenir. Il y a dans ce livre a la volonté, le désir, en tous les cas, c'est ainsi que je le porte, c'est ainsi que nous le portons, oui, je pense, pour contribuer à la paix à venir, la nécessaire paix à venir, et retrouver donc cette histoire dense, massive, et le fait, par exemple, qu'il ait eu oublié de part et d'autre toute une culture immense, des chefs-d'œuvre, j'en compte au moins une vingtaine, qui aient été écrits sur quatre ou cinq siècles, disons, du Bagdad du 9e siècle au Bagdad de la fin du 13e siècle. La philosophie arabe, très très importante. Écrit par des juifs en langue arabe. Cette participation de la JDUT à la culture dominante lorsqu'elle était portée par l'arabe comme langue véhiculaire et langue internationale, il importe réellement de le rappeler aujourd'hui. Oui, oui, Benjamin Stora. Oui, enfin, ce projet, effectivement, est celui-là. Et on espère que dans les moments que nous traversons aujourd'hui, en particulier dans la société française, où on tend à séparer les individus, à ce que la haine l'emporte sur la raison et que les passions funestes détruisent, en fait, le passé complexe et riche qui existait entre les hommes et les communautés. On espère que ce livre, précisément, réussissent à surmonter ces préjugés. Et je dirais que l'accueil qui a été réservé à ce livre est très encourageant. Très encourageant. Parce que lorsque nous avons commencé comme ce livre... Comme s'il était attendu. Voilà. Alors, on a fait ce livre il y a 5 ans, et comment on vous s'est rencontré avec Abdelwahab Medeb. Comment vous expliquez ça, tous les deux? Je crois que derrière l'écume, derrière le bruit, derrière tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pas la peine de détailler, tout le monde le sait, eh bien, fondamentalement, il y a une demande, notamment dans les jeunes générations, de se retrouver avec un passé, avec une filiation, et de retrouver des liens. Ce sont beaucoup les jeunes qui ont participé aux rencontres que nous avons organisées depuis plusieurs mois. Il y avait beaucoup de jeunes juifs et jeunes musulmans dans ces rencontres et qui veulent savoir réellement ce qui s'est passé, qui questionnent leurs parents, leurs grands-parents, qui essayent de retrouver des origines. C'est-à-dire qu'il y a toute une société en dessous de la société qui crie beaucoup, mais il y a une société en dessous qui, elle, ne crie pas beaucoup, qu'on entend très peu, mais qui veut savoir ce qui s'est passé. D'où le succès de ce livre, qui est incroyable, parce que 10 000 exemplaires vendus en trois mois, pour un livre quand même qui est cher, c'est quand même extraordinaire. Tout à fait étonnant. Et lourd. Extraordinaire. C'était un défi pour nous, parce que moi, je pensais que lorsque le livre allait sortir, ça allait faire... Il y aurait des critiques négatives, des affrontements intercommunautaires, des réappropriations de personnages lancés les uns contre les autres, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. L'accueil, non seulement a été unanime dans la critique traditionnelle française, mais y compris dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la presse communautaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de critique sur le plan, bien sûr, historique, mais aussi sur le plan idéologique et politique. Comme si le public, aujourd'hui profond, notamment dans la jeunesse, eh bien, attendait ce livre, pour reprendre effectivement l'expression d'Abdelwahab. Et on est demandé, entre guillemets, un petit peu partout en Europe et dans le monde arabe. Puisqu'on va aller présenter ce livre aussi à Alger, on ira au Salon du Livre de Casablanca, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une société aujourd'hui, face au péril qui est réel, qui nous guette aujourd'hui, d'affrontements et de barbarie, il y a toute une société qui entend résister avec les armes de la culture et du savoir. Et ça, c'est fondamental. Et ce livre là et dans cette, j'allais dire, dans ce sillon-là. Oui. Et dans ce livre, on a essayé de proposer, malgré les 120 mains, un récit qui peut se lire comme un récit unique. Ça ne veut pas dire qu'on ait réécrit ni quoi que ce soit, mais le programme, la commande, l'esprit de la commande qui a été fait, l'horizon tracé et qui a été honoré par tous et surtout honoré par le staff éditorial et dirigé par Anne-Sophie Joanneau, qui ont, eux, ils ont été à la veille, c'est assez extraordinaire, fait que c'est comme s'il était écrit d'une seule main. Et si on le lisait, une des propositions de lecture que vous proposez, outre le fait de papillonner, en continu, on se retrouve presque dans un récit romanesque. Ah, c'est un récit romanesque. C'est très fort. Et pourquoi, je crois. Avec beaucoup de personnages, des scènes. Voilà. Pourquoi le livre a été reçu, me semble-t-il. Conflits. C'est qu'il dit tout. Il n'y a pas d'irritation. C'est-à-dire tout est alors dit, ça, et ça c'est, oui. C'est vraiment, tout est dit, si mais avec les un ton, oui. Avec un ton et avec un, comment dire, avec un esprit aussi d'un récit commun possible. Tout à fait, vous dites ce que je voulais dire aussi, c'est que je voulais dire que votre livre n'est pas bisounours, c'est pas du tout un livre irénique, vous montrez les choses dans leur drame, on n'a pas prononcé ici le mot de Shoah, mais bien sûr la Shoah, le nazisme, l'attitude des États arabes, etc., vis-à-vis de tout cela est présent pour permettre de comprendre les relations entre juifs et arabes et musulmans, pardon, à différentes époques, et en même temps, vous montrez aussi ce qui persiste et subsiste dans les fameuses transversalités. La dernière partie que j'aime énormément, qu'on ne va pas avoir beaucoup le temps d'évoquer, mais qui montre à travers la langue, à travers la musique, à travers la famille... La mystique. À travers la mystique. L'ésotérisme, la cabale. Absolument. La philosophie, les sciences. Voilà. À travers l'architecture, la famille, peinture. La condition des femmes. Alors il y a un chapitre que je voudrais signaler qui a été écrit par Valérie Pouzol et une autre... Stéphanie Abdallah. Voilà, Stéphanie Abdallah. Il y a un chapitre important sur l'évolution de la condition des femmes dans les deux cultures. Avec L'intégration de la notion de genre et l'effet en fait, de l'Amérique sur les deux cultures et sur les deux imaginaires. Exactement. Et puis le corps. Ça, il y a un très beau chapitre sur le corps. Et j'aimerais, Abdelwahab, que vous nous en disiez un mot. Oui, alors le corps. Parce que là, il y a quelque chose à dire. Chose très importante, il a été écrit par Samir Ben Layachi, qui est donc musulman, marocain, et qui travaille en Israël, et qui travaille dans un institut de recherche qui a pour titre Moshe Dayan Santa, de l'université de Tel Aviv. Et ça, ça me paraît très, très important, parce que ça casse, je veux dire, tous les préjugés et tous les présupposés. Alors, la question du corps, il y a deux livres, en fait, deux livres majeurs, c'est ce que démontre Samir Ben Layachi. Le fameux livre d'Abdelwahab Bourdiba, mon compatriote tunisien de formation philosophique et sociologique, La sexualité en islam. Il se trouve que j'ai assisté à la soutenance de cette thèse, qui était une thèse d'État en 1972, je crois, avec Berck, Lacan, qui était dans le... Jacques Lacan, qui était donc dans le jury. Et ce livre, il a son pendant israélien, écrit par Daniel Boyarin, Carnal Israel Reading Sex in Talmudic Culture. Et c'est exactement l'équivalent de ce qu'a essayé de faire Bourdiba, puisqu'il a essayé de lire la sexualité à l'intérieur même de la théologie, à l'intérieur même de la jurisprudence islamique, avec cette idée que on n'a pas peur de parler de la chair dans la logique religieuse et théologique, et en islam et en judaïsme, par différence avec le christianisme, une volonté de se distinguer, oui, où il y a le péché de chair. Le péché de... Voilà. Donc il y a cet aspect qui est révélé. Et puis à partir de là, évidemment, toute l'histoire pour arriver, oui, jusqu'à la question des genders et l'intégration donc, de la question de genre qui se met à rôder. Toute l'histoire des apparences, le corps juif arabe, qui à un moment donné vous abordez cette question. Autrement dit, tous les aspects sont présents dans votre livre et c'est véritablement une très très grande raison pour le lire. C'était les lundis de l'histoire, présenté aujourd'hui par Michel Perrault, avec Benjamin Stora, Abdelwahab Medeb pour leur livre « Histoire des relations entre juifs et musulmans, des origines à nos jours » et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, livre magnifique. La prise de son était assurée par Stéphane Desmonts, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis d'histoire seront présentés par Roger Chartier. Et dans quelques instants, C'est pas la peine de crier par Marie Richeux.